Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La Manif est à nous, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Annabelle Brouard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a longtemps, Adila Benedjaizou a vécu une expérience fondatrice au sommet de Gênes et que de là est né un questionnement sur ce qui meut ceux et celles qui un jour décident de descendre dans la rue pour se faire entendre et on peut tenter de remonter à l'origine de cette habitude. Et dans vos oreilles aujourd'hui, des processions, une république qui peut tirer sur la foule, des harangues royalistes, un homme qui se souvient d'avoir vu les cavaliers chargés au sabre et la manifestation comme une forme de pacification entre nation et Bastille au son de l'Internationale et de la Marseillaise. Mais pour commencer, deuxième épisode, on se souvient pourquoi on aime manifester ou pas. Crier, c'est bien, ça fait du bien. Une bonne manif, le lendemain, on a la voix cassée, quoi. Sinon, c'est... J'aime pas les manifs où on marche. On chante, on rigole, on bouge, on fait l'aller-retour, on croise des copains, il y a de la musique. Ça marche plus vite. J'aime pas traîner. J'aime bien quand on trace, on s'approprie encore plus la rue quand on marche vite. Ah, il y a les classiques, aucune hésitation. Non, à cette réforme bidon. La manif est à nous, un siècle de manifestations. On est près de la place de Clichy, là. C'est dans ces quartiers qu'on a, on va dire, inventé la forme pacifiée, négociée, concertée de la manifestation le 17 octobre 1909, pour ce qu'on appelle la deuxième manifestation Ferrer. Faut pas confondre les deux, parce qu'il y en a deux. La première n'était pas encore sortie du ventre de sa mère, l'émeute, mais la seconde, c'est bon, l'accouchement avait eu lieu et on avait une manifestation de type moderne, on va dire. Mathilde Larère, historienne. C'est une manifestation par ailleurs internationale, parce que Ferrer, c'est un pédagogue catalan qui a été assassiné, enfin condamné à mort par le régime espagnol. C'est un anarchiste et tous les anarchistes d'Europe appellent à une manifestation de soutien et de dénonciation du régime espagnol. Et donc, la première, le rassemblement a lieu ici et les premiers affrontements avec les forces de l'ordre ont lieu ici. Et on a des photos de passants, d'ailleurs, assez embourgeoisement habillés, qui regardent les lampadaires par terre, parce que dans la forme émeutière, on arrache les lampadaires, parce que comme ils sont au gaz à l'époque, ça permet de faire du feu, en fait, ça flambe. Le lendemain de la première manifestation Ferrer, les journaux se divisent assez vite entre ceux qui continuent à appeler à la manifestation émeutière, qui disent « Paris, on te croyait mort, mais tu étais vivant, tu es debout, soulève-toi, enfin quasi Paris, soulève-toi ». Alors qu'à l'inverse, l'humanité change complètement de stratégie et elle appelle, dit « on va ressortir, mais on va le faire dans le calme et on va leur montrer qu'on peut le faire dans le calme ». Recommandation générale. N'apportez ni drapeau, ni emblème, ni pancarte. Le cortège ne doit pas s'arrêter. S'arrêter, c'est accumuler les manifestants sur un point donné et semer le désordre dans le cortège. La marche de la manifestation sera assez lente pour éviter les à-coups. L'humanité, 17 octobre 1909. C'est négocié avec la préfecture de police, parce que c'est eux qui s'en occupent, mais le préfet de police n'était pas du tout favorable. L'EPI n'est pas un préfet qui est favorable à la manifestation. C'est sous la pression du ministère, de Briand, qu'il est obligé de céder et de négocier avec d'abord accord sur le trajet, lieu de rassemblement, le cortège et lieu de dispersion. Accord aussi sur le fait que c'est les organisateurs qui se chargent du maintien de l'ordre, donc c'est l'invention du maintien de l'ordre des organisateurs. Donc il y a un service d'ordre, il y a en tête les officiels, c'est aussi l'invention du carré de tête. D'ailleurs, il y a un très beau tableau d'Adler, qui est un très grand peintre du mouvement ouvrier, qui représente cette manifestation Ferrer, parce qu'il a conscience de l'importance de ce qui s'est joué ce jour-là, et qui est un tableau par ailleurs assez sombre, enfin dans les couleurs automnales, dans les marrons, et on voit ce carré de tête avec tous ces représentants du parti de la SFIO qui ont l'écharpe tricolore, la barbe de l'époque, et qui marchent, mais dans le calme, dans une espèce de dignité sereine. L'Humanité, 19 octobre 1909. Merci Paris. Les socialistes, les révolutionnaires ont le droit d'être fiers de la journée d'hier. Que reste-t-il des préparatifs sinistres ? Hier, les journaux de la réaction parlaient de préparatifs révolutionnaires. Ils voulaient créer la panique. Ils en sont pour leurs frais. Certes, c'était en effet des socialistes, des révolutionnaires qui manifestaient. Mais ils savaient bien qu'ils ne faisaient pas la révolution, qu'il ne pouvait seulement que dire de loin au peuple espagnol qu'ils étaient avec lui dans sa lutte. La réponse de Paris a été grandiose. Un ordre parfait, la parole des organisations tenue, un cortège où l'émotion d'enthousiasme était telle que nous avons vu des manifestants pleurer. Voilà comment les mauvais présages se sont réalisés. Qui donc osera dire que ce sont les forces de police qui ont obligé les manifestants au calme ? Paris a conquis sa rue, il la gardera. La manifestation Ferrer est un apax dans l'histoire des manifestations. Après, ça recommence, ça repart en interdiction d'un côté et en possible affrontement de l'autre. Il y a plusieurs ancêtres à la manifestation. D'une certaine façon, la procession religieuse est une forme d'ancêtre, je ne sais pas, mais en tout cas de référence. C'est-à-dire que dans les processions religieuses, on a des gens qui marchent dans l'espace public, qui se déplacent d'un point A à un point B et qui sont pacifiques à la base. Alors on a ensuite, surtout pendant les séquences révolutionnaires, on le voit en 1830, on le voit en 1848, on a ce qu'on appelait à l'époque des marches, où l'on va avoir des ouvriers, souvent d'ailleurs organisés par métier, par corporation, qui se promènent dans la ville pour faire valoir leurs revendications. Après, il y a aussi très souvent des rassemblements, mais cette fois statiques, devant les journaux, beaucoup, parce que faut penser qu'au XIXe siècle, le seul moyen d'avoir des nouvelles, c'est en fait d'aller devant les sièges des journaux et de lire quand l'édition est affiché. Donc par exemple le soir des élections, les gens vont devant les sièges des journaux, ils attendent qu'on affiche les premiers résultats, et ça fait des attroupements, et selon ou la joie ou la déception du résultat électoral, on peut avoir quelque chose qui ressemble aussi à une manifestation, mais de type rassemblement. Le 5 juin, par une journée mêlée de pluie et de soleil, le convoi du général Lamarque traversa Paris avec la pompe militaire officielle, un peu accrue par les précautions. Deux bataillons, tambours drapés, fusils renversés, 10 000 gardes nationaux, le sabre au côté, les batteries de l'artillerie de la garde nationale escortaient le cercueil. Le cortège funéraire est un autre ancêtre. Et là, on se rapproche plus de la manifestation. Et au 19e, c'est même une des rares formes, finalement, de manifestation sur l'espace public, autorisée et qui a été saisie par l'opposition pour contourner l'interdiction de manifestation et en même temps pour prendre la rue. Son dernier mot a été patrie. Le corbillard dépassa la Bastille, suivit le canal, traversa le petit pont et atteignit l'esplanade du pont d'Austerlitz. Là, il s'arrêta. Tout le peuple de Paris m'accompagnera dans son dernier voyage. Ce sera le jour de montrer si nous sommes prêts à vivre libres ou à mourir. Donc la marque est un général d'Empire, député plutôt libéral et proche des Républicains. Et son enterrement est préparé à la fois par le pouvoir et par les sociétés républicaines. En ce moment, cette foule vue à vol d'oiseau eut offert l'aspect d'une comète dont la tête était à l'esplanade et dont la queue développée sur le quai Bourdon couvrait la Bastille et se prolongeait sur le boulevard jusqu'à la porte Saint-Martin. Un cercle se traça autour du corbillard. La vaste cohue fit silence. Tout à coup, un homme à cheval, vêtu de noir, parut au milieu du groupe avec un drapeau rouge. Du boulevard Bourdon au pont d'Austerlitz, une de ces clameurs qui ressemblent à des houles remua la multitude. Deux cris prodigieux s'élevèrent. Lamarque au Panthéon, Lafayette à l'Hôtel de Ville. Les jeunes gens, aux acclamations de la foule, s'attelèrent et se mirent à traîner Lamarque dans le corbillard par le pont d'Austerlitz et Lafayette dans un fiacre par le Camorlan. Et maintenant, aux barricades ! Face à ce drapeau rouge, les forces de l'ordre réagissent. Donc voilà, coup de feu. Immédiatement, on prend les victimes, on les promène en appelant le peuple à venger les morts. Et dans les heures qui suivent, tout le quartier latin est barricadé. Alors tout est dit. La tempête se déchaîne, les pierres pleuvent, la fusillade éclate. Beaucoup se précipitent au bas de la berge et passent le petit bras de la Seine aujourd'hui comblé. Les dragons sabrent, la foule se disperse dans tous les sens. Une rumeur de guerre vole aux quatre coins de Paris. On crie « aux armes », on court, on culbute, on fuit, on résiste. La colère emporte l'émeute comme le vent emporte le feu. Victor Hugo, Les Misérables. On n'a pas une histoire apaisée avec le droit de manifester en France. Quand on regarde le 19e siècle d'abord, les répressions les pires sont sous la République. La République tue plus que la monarchie, puisque les répressions les pires, c'est juin 48 et la Commune de Paris. Parce que, en fait, la République légitimée par le suffrage universel se sent plus solide dans sa répression et dans sa légitimité à utiliser de la violence que ne pouvait l'être la monarchie qui n'avait pas la légitimité des urnes. Et des républiques qui ont besoin de se présenter en garante d'ordre. Parce que dans les imaginaires, on pense que c'est la monarchie ou l'empire qui est l'ordre et la République ne le serait pas. Il y a un moment où la République prend conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça et on ne peut pas continuer comme ça aussi parce que ça crée du désordre en fait. La répression ne fait pas que maintenir l'ordre, elle crée le désordre aussi. Donc il faut changer de braquet d'une certaine façon. La manifestation, elle sort de l'émeute. C'est la forme pacifiée de l'émeute. Elle participe de cette débrutalisation générale de la vie politique qui s'opère au tournant du 19e et du 20e siècle et qui est une débrutalisation des deux côtés. Parce que de toute façon, quand on brutalise d'un côté, ça brutalise de l'autre. Ils marchent toujours en couple, les forces de l'ordre et les manifestants. Et donc la particularité de la manifestation, c'est qu'elle est pacifique. Et elle est pacifique parce que cette paix est souhaitée et acceptée et par les autorités et par les manifestants. Sympa les manifs, enfin, c'est presque toujours sympa, c'est pas... J'aime bien les manifs, enfin, indépendamment du fait que je travaille dessus, mais j'aime bien les manifestations, c'est... Il y a un souffle. Il se passe quelque chose, on sait bien qu'on n'est pas en train de faire la révolution, on sait bien qu'on va pas à la Bastille, mais on marche. Et quand on marche, on est debout. Comme vous le voyez, là, nous sommes en train de marcher... place de la République, qui est traversée par des activités multiples et diverses. Il y a souvent maintenant des tas de petits rassemblements politiques On a évidemment les skates, on a des gens assis sur les bancs. À l'heure qu'il est, on n'a pas les danseurs de tango, mais on pourrait les avoir. Donc c'est un espace piétonnier qui est espace public par excellence. Mais la physionomie de la place actuelle n'est en aucune manière celle des manifestations que nous allons évoquer. Daniel Tartakovsky, historienne. La place de la République a fait l'objet de constantes réappropriations qui aboutissent à des modifications du sens. La première modification du sens, après Haussmann, c'est la construction au centre de la place de la première statue de la République à Paris. C'est une République dont Maurice Agulon avait montré qu'elle est droite. L'histoire est achevée. Il y aura une deuxième statue de la République qui sera inaugurée en 1899, place de la Nation. Et là, on a une statue dont Maurice Agulon, toujours, montrait qu'elle participait de la lecture radicale de la République. Elle va vers l'avant. La République n'est pas achevée parce que ça n'est pas encore la République sociale. Alors, on a donc deux statues, puis on a bien sûr, datant d'une autre époque, la colonne de la Bastille. Donc, trois lieux qui, aujourd'hui, pour nous, sont devenus symboliques de ce fameux triangle République-Bastille-Nation, qui est toujours évoqué comme étant le lieu par excellence des manifestations ouvrières et populaires. Or, ces statues ne font, sauf rarissimes exceptions, ne font pas l'objet d'appropriation ou de tentative d'appropriation par les organisations de toute nature. Quand il arrive qu'on est aux alentours de la place de la République ou qu'on s'y essaye, c'est parce que la Bourse du Travail est là. Et je dirais que jusqu'en 1934, finalement, les lieux de rassemblement sont privilégiés à partir de données qui sont fonctionnelles. L'antichambre du Palais Bourbon, la présence de la Bourse du Travail, donc des lieux où on peut se replier si nécessaire, ou qui permettent un soutien logistique. Et donc, il va y avoir un tournant majeur qui s'opère à partir de 1934. La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu aux places de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés. J'étais parmi les manifestants. J'étais pas manifestant et j'étais rue Royale quand... on a entendu tirer, évidemment, mais on ne savait pas si c'était des balles. Aussi. Raymond de Quéguelin, entretien de 1992. Enfin, autre chose, mais j'étais rue Royale, donc là j'ai vu la charge des cavaliers, avec, ils chargeaient avec leurs sabres, et là il y a eu pas mal de blessés, je ne sais pas s'il y a eu des morts, j'en sais rien. Bon, on transportait chez Maxime des gens qui étaient gravement blessés. Et alors, quand j'ai vu ça, je suis reparti avec des camarades à l'imprimerie de l'Action française, du Faubourg Montmartre, tout près des Halles, où j'avais parfois la tâche avec quelques camarades de protéger Charles Maurras. Et vive le roi, à bas la République, et vive le roi, la gueuse on la pendra, ça ira. Tous les députés à la lanterne, ça ira. Tous les députés, on les pendra. 6 février 34, manifestation, enfin en tout cas rassemblement, des ligues d'extrême droite et de l'Action française et des anciens combattants autour du Palais Bourbon. Pour les contemporains, il s'agit de quelque chose de similaire à ce qui s'est produit en Allemagne quelques mois plus tôt, Hitler 1933. Et donc c'est perçu en termes de tentative de coup d'État fasciste. C'est important que ce soit perçu en ces termes parce que ça participe de la réaction qui va s'organiser. Cette réaction, elle atteint un point culminant le 12 février 34, avec dans la France entière un appel à la grève de la CGT. Cet appel à la grève contre le fascisme et pour la défense de la République est accompagné de manifestations. Manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme. Léon Blum. Qui ne passeront pas la réaction. 12 février 1934. La République des travailleurs. Grève et manifestation, cher, pour nous, c'est un lieu commun. C'est la première fois qu'on a cette articulation de la grève et de la manifestation. les manifestations se développant dans dans toutes les grandes villes de France et dans bien des petites villes moyennes qui n'avaient jamais de leur vie connu de cortège. Et alors, le dimanche d'après, de la Bastille à la Nation, on vous le met, il y a eu 1 million de Parisiens qui ont manifesté dans la rue contre les monnaies fascistes. Les autorités autorisent pour la première fois dans Paris un cortège, mais alors ils vont faire en sorte que ce soit le plus excentré possible. On concède l'espace qui part de la Porte Dorée, du Bois de Vincennes, et qui va jusqu'à la place de la Nation. Depuis la colonne de la Nation, là-bas, jusqu'à monter les grands boulevards, jusqu'à la gare Saint-Lazare et l'Opéra, et c'était une foule immense qui criait « Vive la République, abat le fascisme !» Henri Choquet, entretien de 1996. Vous comprenez, on dit 1 million, on ne sait pas si c'était 1 900 000 ou 950 000, hein, mais enfin, il y avait une foule immense. Immense. Ça garnissait tous les boulevards, là-bas, vers le Père-Lachaise et tout, vers les... c'était plein. Les gars étaient accrochés au réverbère, au bec de gaz, gueulaient comme des drames. C'était quelque chose d'inimaginable. Et entre le 12 février 1934 et le 14 juillet 1935, on va avoir une réappropriation progressive, autorisée, d'espaces de plus en plus centraux. Deux immenses cortèges sont formés, l'un rue de Rivoli, l'autre boulevard Beaumarchais. Par des itinéraires différents, ils se dirigent vers la place de la Nation. Une manifestation essentielle pour la construction de la dramaturgie manifestante et peut-être pour l'usage dominant du terme manifestation, c'est les manifestations du 14 juillet 1935, avec pour la première fois, à telle échelle, la construction d'une dramaturgie explicite, puisque les organisateurs vont appeler à manifester sous les plis mêlés du drapeau rouge et du drapeau tricolore, et aux accents mêlés de l'Internationale et de la Marseillaise. Et là, on a bien la construction de quelque chose qui va constituer, je dirais durablement, un modèle potentiel pour les manifestations ultérieures. Cette manifestation populaire, dont aucun incident n'a troublé le calme, se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Au sortir du Front populaire, la manifestation est dotée d'un statut via le décret-loi, est dotée d'une dramaturgie, peut faire état d'une efficacité. C'est devenu un objet spécifique. Ce qui ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille et que l'histoire devienne linéaire. Alors d'abord parce que, après le Front populaire, nous le savons, il y a la guerre, il y a l'occupation, et que toutes les manifestations sont naturellement interdites. Les organisations de résistance, en particulier en 1942, s'appropriant néanmoins le temps des commémorations, 14 juillet, 11 novembre, mais aussi 1er mai, pour en faire des manifestations patriotiques. Alors, quand on arrive à réunir 10 personnes en 1941 ou en 1942, c'est une manifestation. Des fois, ça se traduit par mort d'hommes, hein, ou de femmes d'ailleurs. Bon, ensuite, à la libération, bien sûr, un phénomène de retour à la situation de la deuxième moitié des années 30, mais des séquences parfois longues qui viennent interrompre cette conquête de la rue, la guerre froide, avec des interdictions qui valent évidemment surtout pour les tentatives de manifestations communistes ou de la CGT. À l'occasion du 11 novembre, une manifestation organisée par les anciens combattants appartenant à des groupements d'extrême gauche a rapidement dégénéré et menacé de prendre un tour dramatique. incident pénible qui éclate en un jour où la nécessité de l'union devrait apparaître clairement aux yeux de tous les Français. Le comité directeur des combattants de la liberté a publié le communiqué suivant. Le comité directeur des combattants de la liberté élève une protestation indignée contre l'inqualifiable agression dont de paisibles manifestants, anciens combattants mutilés, femmes et enfants ont été l'objet le 11 novembre sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Alors que se préparait un défilé en ordre pour honorer leurs morts, des milliers de femmes et d'hommes ont été chargés par la police et assommés. L'Humanité, 12 novembre 1948. Le choix fait par la CGT en ce 11 novembre 1948 d'investir en fait cet espace qui en effet est plutôt un espace de droite, les Champs-Élysées, il est lié justement à l'idée que les résistants ont droit à cet espace sacré que sont les Champs-Élysées, que c'est l'espace à la fois de la guerre, de l'héroïsme, de la défense en fait, voilà. Et donc c'est vraiment aussi une volonté de s'inscrire dans une histoire nationale, c'est une volonté de subvertir un peu c'est ce partage gauche-droite de l'espace social parisien. Ludivine Bantini, historienne. La manifestation de 1948, là il y a eu vraiment des heurts extrêmement violents et ce qui avait choqué dans les rangs de la gauche, c'est que la répression s'est abattue, y compris sur certains manifestants qui avaient été des résistants. Cette avenue, c'est l'avenue de tous les contrastes. Historiquement, elle a toujours connu cette tension entre une dimension populaire et une dimension d'extrême richesse, d'opulence. Une telle symbolique, en fait. La Champs-Élysées, c'est un décor aussi de carte postale. Donc, il y a à la fois, pour beaucoup de gens qui ont manifesté, une fascination pour ce lieu, comme on peut éventuellement tous et toutes l'éprouver. C'est un lieu chargé d'histoire, c'est un espace sacré, politique, militairement, c'est le lieu du pouvoir à la fois économique, politique, de l'armée aussi, hein, qui chaque jour organise un rituel au pied de l'Arc de Triomphe en fin de journée. Donc il y a cette dimension-là et puis le sentiment de se réapproprier ce lieu. Et puis en 1968, il y a eu deux mobilisations qui se sont vraiment opposées de manière symétrique, en miroir, mais de manière très antagoniste. D'un côté, au début du mois de mai, une manifestation d'étudiantes et d'étudiants qui sont venus au pied de l'Arc de Triomphe. C'était l'idée d'aller dans les beaux quartiers aussi, d'aller dans les lieux en général sacralisés. Et puis le 30 mai 1968, il y a eu une immense manifestation. C'était une manifestation qui visait à rétablir l'ordre, voilà, et à soutenir le pouvoir en place face à la grève générale. J'ai le souvenir d'avoir éteint la télé et d'avoir dit « je vais y aller ». Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. On s'est retrouvé du côté de la Concorde, mais il y avait un monde tellement fou que je n'ai pas traversé le pont, j'ai continué rive gauche, et je pense que c'est à peu près à la hauteur du Grand Palais que j'ai tourné pour rejoindre la rive droite, où là il y avait autant de monde, donc je restais dans les contre-allées. C'est-à-dire qu'il y avait un monde inimaginable. Isabelle, manifestante. Les gens se parlaient tous dans la rue, à tous les âges. J'ai un souvenir assez joyeux de gens qui criaient des slogans divers et variés. Mitterrand à la santé. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ce souvenir-là. Et puis, le slogan « Les réformes, oui, la chienlit, non », ça revenait en force. Après les barricades, après la kermesse rouge, c'est la soirée tricolore. Donc, au rond-point des Champs-Élysées, toujours le même slogan, un slogan qui s'adresse au journal, qui demande du courage au Figaro, Figaro avec nous. Et tout à l'heure, entre 19h, donc ma première intervention, et 20h moins 20 maintenant, le Figaro a mis un drapeau tricolore à la fenêtre de la rotonde devant laquelle je me trouve. On chante aussi en passant devant le Figaro, le chant la Marseillaise, bien sûr, le chant du départ, et de nouvelles banderoles que j'ai aperçues, des banderoles avec « Tous avec De Gaulle »,« Non au pouvoir rouge »,« Non à l'anarchie » et « Nous voulons travailler ». Ce qui m'avait marqué, c'est que je voyais à la télévision un gars qui s'appelait François Mitterrand, que je ne connaissais pas avant, et qui disait que, en gros, si De Gaulle partait, il était prêt à le remplacer. Et je trouvais ça assez fort, assez gros, assez, je trouvais ça assez stupéfiant. Et cet homme m'énervait. Voilà, je me disais, bah, il s'y voit un peu vite. Ça va, il y a un gouvernement qui est élu. L'autre n'a pas à prendre la place comme ça, à tout, à faire un coup d'État, quoi. Mais quand même, ce qui m'a fait descendre pour cette manif, c'est que je me suis dit que ça partait dans tous les sens et que je me disais l'armée va s'en mêler, la France va être clivée en deux, parce qu'on disait les rouges vont arriver. À l'époque, on disait les rouges, c'est-à-dire les communistes. Et donc, les écoles privées vont toutes être fermées. Donc, j'allais à des réunions pour savoir comment on allait s'y prendre si les écoles catholiques devaient fermer. Négocier si les rouges venaient le pouvoir et tout ça. On disait vraiment les rouges, hein, ça je me souviens. Et je me suis dit, bon, ça suffit maintenant, il faudrait que ça rentre dans l'ordre. Mais c'était très gai, en fait, c'était du style, nous aussi on peut manifester, quoi. Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Monsieur Malraux pense comme moi, et Maurice Schumann aussi. De Gaulle est seul, vous le voyez. Celle-là sur les Champs-Élysées, elle est très importante et très symbolique, d'autant qu'elle rappelle la descente des Champs-Élysées le 26 août 1944 par De Gaulle. C'est aussi un lieu qui est choisi pour ça, pour rendre hommage à De Gaulle. Donc on voit quand même diverses générations, ça c'est quand même important de le souligner, parce qu'on a tendance à imaginer que voilà, il y avait d'un côté les jeunes, les étudiants, du côté des barricades, de la contestation et de la grève générale, et puis plutôt les générations plus âgées, le 30 mai 68 sur les Champs-Élysées. C'est pas le cas parce qu'en effet, on voit de vieux anciens combattants, certains des deux guerres, hein, en tout cas même de la Première Guerre mondiale, avec leurs médailles, mais on voit aussi des jeunes, des jeunes de droite, hein, tout simplement, qui veulent le retour à l'ordre et qui brandissent des drapeaux tricolores. Hein. Il y a des photographies qui sont d'ailleurs esthétiquement très belles, où on voit ces jeunes brandissant leur drapeau bleu, blanc, rouge au pied de l'Arc de Triomphe. Hein, donc, c'est vraiment une bataille sur l'espace, une bataille de chiffres aussi sur le nombre de participants, puisque à l'époque, la presse de droite parle symboliquement de 1 million de manifestants. Donc il y a des ministres qui manifestent en tête de cortège, et on a le souvenir notamment, non pas seulement de Michel Debré, mais aussi d'André Malraux, très solennel, voilà, au pied de l'Arc de Triomphe, au pied de la dalle de la tombe du soldat inconnu. Et puis alors dans les slogans, on entend des choses qui sont sarcastiques, voire virulentes. Bon, le rouquin à Pékin. Et un autre slogan qu'on entend, Renault au boulot. Renault au boulot. On ne peut pas crier. On ne peut pas tomber plus bas. Renault au boulot. Misérable slogan hurlé. Champs-Élysées, en toute sécurité. Renault au boulot. La France aux Français. Cri tricolore, cri de peur bleue, de terreur blanche, de honte rouge refoulée. Renault au boulot. Ouvrier à la chaîne. Chômeur au malheur comme chien à la niche. Mineur à la misère. Gueule noire au grisou. Jacques Prévert. Quand on descend dans la rue, il y a également une référence à la Bastille, aux révolutions. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1880, et finalement jusqu'à l'émergence de la manifestation de type moderne, les régimes se sont faits et défaits par et dans la rue. Or, à partir de la victoire des Républicains, il n'y a plus aucun régime qui tombera ou qui naîtra sous l'effet d'un mouvement de la rue. Et à deux reprises, en 1934 et 1968, les manifestations ont joué un rôle, ont acquis une centralité politique. On a affaire à deux crises politiques majeures. La crise s'ouvre dans la rue, 6 février 1934, les ligues d'extrême droite et la manifestation intersyndicale du 13 mai 1968. La crise latente prend une allure de crise politique ouverte dans les deux cas. Dans les deux cas, la réponse politique est construite en lien avec la manifestation du 12 février 1934 qui va amorcer le processus complexe de réalisation du Rassemblement populaire et en 68, la manifestation du 30 mai 68, c'est-à-dire des manifestations en miroir qui permettent de mesurer le rapport des forces dans les deux cas et qui, dans les deux cas, contribuent à la construction de la sortie de crise dans le cadre du régime existant et donc pas par les voies de guerre civile. Vous regretterez le beau temps des crises quand pauvres sans pain et riches gavés, nous serons aux prises. Les drapeaux de Mars flotteront aux brises, les drapeaux vermeils sur qui vous bavez. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, rondera partout la rue en fureur. Semaines par an, 50 ans, ça fait 2000. J'ai beaucoup aimé les manifs toujours, et à peu près toutes les manifs me plaisaient. C'est toujours un lieu où on va rencontrer plein de gens, où vont se lier des amitiés, des histoires d'amour, enfin plein de choses. C'est le moment où on va retrouver tous ceux qu'on n'a pas vus dans les derniers mois, dans les dernières années, voire quand les très grosses manifs depuis 20-30 ans. Christophe Aguiton, sociologue. Mes toutes premières manifs, ça devait être des manifs organisées par la gauche prolétarienne. Et puis très vite, une manif qui m'avait beaucoup marqué parce qu'elle était assez raide, c'était contre le Front National à l'époque, c'était Ordre Nouveau, qui tenait un meeting au Palais des Sports. Et toute l'extrême gauche, dont moi, avait décidé d'envahir ça. Donc c'était, il faisait nuit, c'était l'hiver, il y avait des casques, tout le monde était casqué, organisé avec des barres de fer, des cocktails Molotov partout. Ça avait un côté très scénique, hein. C'était beaucoup de feu, des grenades de la police, des cocktails Molotov côté manifestants, les casques qui luisaient sous les réverbères, les barres de fer. Ça donnait une impression qui était quand même très... C'était pas négligeable, quoi. On se sentait dans un truc qui était très gros, très fort, pas très festif. C'était très impressionnant et très engageant parce qu'on se disait qu'on jouait des choses importantes là-dedans, ce qui était qu'à moitié vrai par ailleurs. Mais bon, j'avais à l'époque 17 ans, c'était un peu une grande découverte tout ça. Ouais. C'était des manifestations qui étaient souvent interdites. On se donnait des rendez-vous secondaires, tout ça passait par des métros. Donc c'était une organisation. C'était pas du tout le Chili en 73, hein, rien à voir. Hein. Bon, c'était, mais c'était rien à voir non plus avec la manif. On se retrouve place de la Répu, à voir les copains. C'était Marcelin encore, le ministre de l'Intérieur. C'était vraiment une autre époque. Je n'ai pas de meilleurs souvenirs de manif. Je vais souvent aux manifs. Disons, depuis 71, j'ai pas raté grand-chose en manif. Moi, j'aime ces instants-là parce que c'est des instants de solidarité. Les gens se retrouvent, on est en commun. Parce que là, après, dans la vie de tous les jours, on est des individus, tout ça. Bon, c'est pas... Là, il y a un sentiment d'appartenir à une classe. Moi, je suis toujours fier. Je ne dirai jamais autre chose que je suis ouvrier. C'est ma classe, c'est la classe ouvrière. C'est important. Marc ? Et j'ai toujours été à la CGT. Manifestant. C'était le 1er mai 1971. Alors, jeune prolo, j'avais une veste à carreaux. Mes parents m'avaient dit, si tu vas à Paris, tu te fais beau. Donc j'avais une veste à carreaux affreuse, un pantalon patte d'éléphant, des chaussures bien vernies. Et puis, par hasard, je suis tombé avec une bande de jeunes à la gare de Versailles, rive gauche, qui, eux, étaient très débraillés, avec des Lewis, des vestes de l'armée américaine, enfin, très sympa et tout. On a discuté, j'ai fait la manif avec eux. C'était une manif qui était appelée Place de la République par l'extrême gauche, avec... En tête de cette manifestation, je m'en souviens toujours, les travailleurs du Joint français de Saint-Brieuc, puisque c'était une lutte exemplaire. Et l'après-midi, on manifestait avec la CGT et ça a été très, très dur. Il y avait une volonté du service d'ordre de CGT de nous empêcher de manifester Donc on a manifesté à l'arrière, mais c'était vraiment très tendu. C'était quand même des secteurs particuliers, c'était des gens de la FFTL, c'est-à-dire de la Fédération du Livre, des gens très, très costauds et on peut dire très rugueux des fois. Donc maintenant, les services d'ordre de la CGT d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. C'est plus cette violence qu'on a connue à l'époque. L'effet de surprise de l'irruption des gauchistes dans la politique française Raymond Marcellin, est terminé et ne peut plus se produire. Mais ce qu'il n'est pas possible d'éviter, ce sont des incidents violents de courte durée, car la police, quels que soient ses effectifs, ne peut être partout. Et ceci est vrai dans toutes les démocraties occidentales. Les peines infligées par la justice serviront d'exemple et ramèneront progressivement le calme. Seule l'impunité pourrait encourager les violents. Bon, les années Marcellin ont quand même disparu, hein, avec la fin du gaullisme, de Pompidou. Du côté de l'extrême gauche, il y a eu aussi une baisse du degré de violence, du côté des autorités comme du côté des manifestants. Et on peut dire qu'au milieu des années 70, les manifestations sont devenues surtout des manifestations pacifiques. Après, on a connu plus tard ce qu'on a appelé les autonomes au début des années 80. Il y a eu tout un mouvement là qui venait de l'exemple italien. Mais la manifestation a vraiment beaucoup évolué à partir du milieu des années 70. Puis après, les choses sont redevenues relativement normales et plus apaisées. Mais petit à petit, le rôle de l'organisation commençait déjà à se dissoudre. Maintenant, on a atteint un point où les organisations sont extrêmement faibles, hein, qu'elles soient politiques, c'est l'évidence, mais même syndicales, elles sont souvent âgées, regroupent peu de monde, en fait, et ce qui fait le cœur des manifestations, où il y a beaucoup de jeunes, hein, qui manifestent, c'est des gens qui viennent avec des convictions très fortes, un engagement très fort, mais qui ne passent pas par une forme organisée. Alors le pourquoi ça s'est fait renvoie à une série de causes très différentes les unes des autres. Le fait que le travail ne soit plus structuré de la même façon, ça a été très important. Un deuxième facteur qui je crois est tout aussi important et qu'on sous-estime souvent, c'est la montée du degré de connaissance de la population. Aujourd'hui, plus de 60%, quasiment les deux tiers de la génération, donc il y a 20 ans, en 2022 ou en 2021, qui va avoir un accès au supérieur. Il y a une autonomie beaucoup plus forte des individus par ce degré de connaissance plus élevé, tout simplement. Hein. Donc on ne va pas suivre ceux qui sont censés nous donner une orientation. Puis la dernière chose, et ça je pense, là aussi il faut vraiment pas le sous-estimer, c'est le numérique qui change tout. Parce que le numérique, je prends mon cas à moi, hein, quand je suis rentré à la Ligue communiste il y a maintenant 50 ans, il y a trois choses que m'apportait une organisation. D'abord, je pouvais être informé de choses que personne ne me permettait de connaître en dehors d'une organisation. Par exemple, quelles étaient les luttes des paysans en Bolivie ou en Inde. Ensuite, on avait de la formation. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Gramsci, Lukács et des tas d'autres par l'organisation politique à laquelle j'appartenais. On avait chaque réunion de cellule commençait par un long exposé, un peu comme à l'école. Hein, puis enfin, pour agir, il fallait être organisé. Je vous donnais l'exemple de ces manifestations interdites où il fallait passer dans des rendez-vous clandestins dans tel ou tel métro. Si vous n'étiez pas organisé, vous ne le saviez pas. Bon, aujourd'hui, ces trois fonctions qui sont informées, formées et organisées, au sens de donner les moyens d'agir, Internet le résout. Tous ensemble, ouais. La crise des organisations renvoie avant tout à ça, et où évidemment se rajoute à ça la crise de crédibilité de ces organisations, la crise du politique, toutes choses qu'on connaît bien par ailleurs, mais ce n'est pas l'essentiel. Si vous prenez la manifestation des années 70, il y a des énormes services d'ordre. Le plus gros, c'est celui de la CGT. Le service d'ordre de la CGT, c'est des milliers de personnes. C'est gigantesque. Ça veut dire que la manifestation, elle est très cadrée, à tous les niveaux. La tête, mais aussi chacun des cortèges. Il y a de plus en plus de manifestants. Si vous prenez les chiffres officiels, ceux de la préfecture de police, on peut les discuter, parfois ils sous-estiment un peu, mais vous verrez que tout monte. Il y a souvent un discours qu'on entend comme ça en permanence. Oui, aujourd'hui, les gens sont moins engagés. À l'époque, on était vraiment engagés. Les gens étaient dans la rue, etc. C'est factuellement faux. On a un nombre de manifestants qui, lui, augmente en permanence. Et comme, de l'autre côté, les forces organisées et donc les services d'ordre en capacité d'agir sont de plus en plus faibles, vous voyez bien tous les problèmes à organiser une manifestation aujourd'hui. Donc, elle s'organise comme elle peut. D'où le fait que il y a un cortège de tête qui aujourd'hui peut faire la moitié de la manif, hein, tout simplement, parce que le cortège officiel, d'abord, n'est pas très attractif pour ceux qui sont pas organisés, parce que là, il faut vraiment être organisé, et puis souvent, il met beaucoup de temps à décoller, donc les gens en ont marre, ils se mettent devant, et hop, et ça part comme ça, quoi. La forme la plus légitime de protestation populaire, ça a longtemps été la grève. On est dans un pays dans lequel, après les insurrections du 18e et surtout du 19e siècle, ça s'est transformé en fait en un appel à la grève générale supposé être capable de tout changer. Mais cette idée de la grève générale en France est vraiment extrêmement présente. Elle va échouer en 1906, quand la CGT va la tenter, ça va être un échec, mais elle va réussir en 36, elle va réussir en 68, elle va réussir en 95. Donc on a tout un siècle dans lequel des grands moments d'émotion et de manifestation populaire va se jouer avant tout dans la grève. Mais le point tournant, c'est 95. J'en appelle maintenant à tous les Français. Ils savent qu'il faut réformer la sécurité sociale pour assurer son avenir. Et la sécu aux travailleurs. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. 24 novembre 1995, 300 000 manifestants selon la police, 500 000 selon les organisateurs. Ça a été vraiment un grand moment de mobilisation. Nous, les cheminots, vers la fin novembre, on a commencé à rentrer en grève massivement. Et on a tenu, je crois, 21 ou 23 jours. C'est-à-dire que on avait un fonctionnement qui était assez intéressant parce que on avait chaque matin une assemblée générale avec des choses à faire. On avait mis en route des piquets volants. Donc on allait systématiquement discuter avec tout le monde. Tous les jours, il y avait des actions comme ça pour essayer de faire rentrer dans la lutte d'autres travailleurs, notamment du privé. C'est-à-dire que c'était une grève très active. C'était une mobilisation quasiment totale de tous les grévistes, ce qui est assez rare. Là, toute l'Assemblée générale était dans la rue quand il y avait une manif. 30 novembre. C'est bien que les gens se réveillent, descendent dans la rue, mais il va falloir le refaire, quoi, parce que c'est qu'un début. 500 000 là. Manifestants selon début, la police, 800 000 selon les organisateurs. Ça, ce qu'on voit là en ce moment, les gens qui bougent dans la rue, c'est qu'un début. Au bout d'une semaine de grève dans les transports, on ne sait plus quoi dire, si ce n'est que c'est toujours pareil, que le mouvement à la SNCF est toujours aussi suivi et que le trafic est pratiquement nul sur les grandes lignes, à l'exception de quelques liaisons avec Londres et Bruxelles. Trafic nul sur la banlieue Île-de-France et pratiquement nul encore pour les services régionaux. Comme on était en grève, il n'y a plus de train. Hein. On avait décidé de ne pas remettre les trains. Donc, y avait toute une organisation avec la location de cars pour monter aux manifs. Et les loueurs de cars l'ont bien compris parce qu'on avait souvent des cars qui venaient du Jura, de plus loin, parce qu'il y avait un vrai marché pour eux, des milliers de personnes à monter sur Paris pour monter manifester. Et la tendance est plutôt à l'aggravation du mouvement la semaine prochaine. D'une part, on a eu un phénomène qui avait été appelé à l'époque, je pense assez à juste titre, un phénomène de grève par procuration. C'est-à-dire que les grévistes n'étaient que dans des secteurs où la grève pouvait peser. C'était avant tout le transport, cheminots et transports urbains. C'était la poste. Donc tout ça a paralysé le pays. Mais les Français ont soutenu ça, même si la grande majorité des Français n'étaient pas en grève. Ils l'ont soutenu par les sondages et par les manifestations. Il faut taxer Retrait du plan Juppé. 7 décembre, 700 000 manifestants selon la police, 1 300 000 selon les organisateurs. Tous ensemble, ouais. Ça faisait un peu le cri des torchips sud-africains. Ouais. Un slogan qu'on entend encore aujourd'hui dans les manifs. Je revois encore les copains de la garde d'Austerlitz défilant tous avec des drapeaux rouges et où c'était marqué « tous ensemble » en gros, et qui a vraiment été le slogan de cette mobilisation de 95. C'était notre volonté aussi de faire en sorte que ce soit le plus large possible, parce que les gens dans le privé, ils avaient déjà été attaqués en 93 par Balladur. Avant 93, les gens du privé, leur retraite était calculée sur les 10 dernières années. Après la réforme Balladur, leur retraite a été calculée sur les 25 meilleures années. Mais le compte n'y est pas. Hein. Quand on élargit l'assiette, la soupe s'aplatit, comme dirait l'autre. Hein. C'est, il y a de moins en moins d'épaisseur. Et on a eu des manifestations énormes. Toute une série de gens qui n'étaient pas en grève venaient. Au point que Alain Juppé, premier ministre de l'époque, qui était celui dont les réformes avaient déclenché des grèves, avait dit « Ah, s'il y a un million de manifestants dans la rue, ben là, je serais bien obligé de revoir mon plan ». Et là, c'est lancé, les gens de mon âge s'en rappellent, ce qui s'était appelé le Juppéton. Il s'agissait, comme pour le Téléthon, où on ramasse de l'argent pour lutter contre les maladies orphelines, là, il s'agissait d'arriver au million. En marge de la manifestation, les cheminots ont mis en route un nouveau système de comptage. Juppéton, c'est la reprise de ce qui se fait sur Canal+, une chaîne concurrente à la vôtre. Et ça se veut à la fois sérieux et humoristique. La grève est quelque chose de sérieux, surtout quand on arrive à 18 jours de grève comme les cheminots. Et puis humoristique, puisque M. Juppé, sans doute dans un moment d'égarement, a dit que s'il y avait 2 millions de manifestants dans les rues, il démissionnerait. 12 décembre, 985 000 manifestants selon la police, 2 200 000 selon les organisateurs. Il y a deux choses en fait qui se sont jouées à l'époque. La première, c'est une histoire de communication. Hein, donc la presse a relayé tout ça. Et donc on s'est organisé. Moi, j'étais à l'époque un des dirigeants de Sud au PTT. Donc en discutant avec les gens de la CGT et de la FSU qui venaient de se créer. Hein, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve des moments de manifestations. Et donc il y a eu un rythme, si mes souvenirs sont bons, bi-hebdomadaire. Une manifestation le mercredi en général qui était pas très grande, mais c'était celle, je crois que c'était déjà des samedis qu'on avait choisi. Hein. Bon, mais en tout cas, on a commencé à rythmer ça, hein, c'est-à-dire à avoir des journées où, en les préparant à l'avance, on était sûr de pouvoir avoir du monde. Et on a réussi. Les manifestations n'ont pas arrêté de grandir. Et c'est là où l'index, d'une certaine façon, je dis l'index au sens de ce qui permet de mesurer la réussite d'un mouvement, c'est se transformer. Avant, c'était le nombre de grévistes qui comptait. Et à partir de 95, c'est le nombre de manifestants. L'index, c'est un truc tout bête, c'est que, et c'est valable pour la presse, mais donc c'est valable pour l'opinion et pour les décideurs politiques. Des deux côtés d'ailleurs, hein, côté manifestant ou côté pouvoir public. Hein, bon, c'est, est-ce qu'un mouvement est en croissance ou en décroissance? C'est une question absolument centrale. Parce que c'est, s'il est en décroissance, il faut négocier des trucs pour pas rentrer quand même avec rien du tout, le pouvoir va commencer à chercher à diviser, etc. Bon, comment savoir si un mouvement est en croissance ou en décroissance? Mais il y a toujours des index qui s'imposent. Et c'est des index qui sont souvent imprévus. Hein. Bon, pendant très longtemps, c'était le nombre de grévistes. Et là, ce qu'on a vu pendant depuis 95 en fait, mais qui n'a pas arrêté de monter comme importance prise par les manifestations, c'est l'index et le nombre de manifestants. Et c'est ce calcul-là qui est clé dans la prise de décision politique. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que dans quasi tous les cas, c'est le nombre de manifestants qui est l'index. On l'a vu pour les gilets jaunes, on l'a vu pour les anti-vax, anti-pass, on le voit sur les marches climat, on le voit sur l'essentiel des manifestations publiques, quelle que soit leur orientation. 83 à 2002, on a plus de 10 manifestations qui viennent à bout de lois ou de projets de loi et en général des ministres qui vont avec. Ça veut dire que la manifestation s'était mise à fonctionner comme une forme de référendum d'initiative populaire que nul n'aurait édicté. Et donc on a cette longue séquence où la manifestation devient un facteur implicitement reconnu du processus d'élaboration de la loi. Ça s'arrête en 2003. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Nous sommes après le texte du Conseil d'État 95. Nous sommes après la manifestation du 1er mai 2002 qui a été une forme de légitimation sans précédent de la manifestation qui amènera Michel Debré, je crois, à rendre hommage au rôle de la rue comme un facteur d'expression républicaine. Et c'est au moment, finalement, où la manifestation paraît enfin être, avoir acquis son statut de quasi-liberté constitutionnelle, qu'on a ce phénomène de renversement de 2003, qui nous amène évidemment jusqu'à nos jours, puisque à partir de 2003, on va toujours avoir des manifestations d'importance. Je pense à droite à la manif pour tous, et je pense à gauche aux manifs successives pour les retraites et aux manifestations contre la loi El Khomri, avec des manifestants qui diront pourquoi ça marche pas. On est beaucoup plus nombreux que la dernière fois. Le Parlement doit décider, la rue doit s'exprimer, mais c'est pas la rue qui gouverne. Raffarin, tu es le maillon faible. On a voté Chirac contre Le Pen. Maintenant, on veut Chirac en prison et une vraie démocratie. On est contre la barbarie libérale. On veut la grève générale. Voilà. Opinion publique internationale avec nous. Un siècle de manifestations. Une émission d'Adila Benedjaizou, réalisée par Annabelle Brouard. La lutte de classe ! Contre classe ! La lutte de classe ! Contre classe ! Avec Mathilde Larère, Daniel Tartakovsky, Ludivine Bantini, Isabelle, Marc et Christophe Aguiton. Prise de son, Élise Leu, Jacques Hubert et Audrey Guélil. Mixage, Antoine Viossa. Avec les voix de Pauline Jambet et Slimane Yefsa. Archivina, Sabine Dahuron et Denis Forget. Documentation, Annelise Signoret. Merci à Axel Persson, Olivier Minot, Marie Constant et Leïla Darly. La série documentaire, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, coordination, Perrine Kervran. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur le trajet de la manif, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, la manif pour tous. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.